tu as toujours été belle. Tu as au moins ça pour toi. Tu étais naturelle. Je te préférais comme ça. J'ai ôté tes guenilles. T'as mis tes vêtements de choix. Car à mes yeux tu brillais. Je voulais que tout le monde le voit. En un claquement de doigts le monde a changé. Ne parlant que de toi. Dès que les enchères se sont mises à grimper, je ne faisais plus le poids. Même chose que moi, donc plus que lui je dois prier si je veux que tu me retends les bras. L'autre fois tu m'as vu, tu t'es pas arrêté, tu as passé ton chemin. Mon ego et mon cœur se sont émiettés, pour toi je ne vaux plus rien. Master, la monifo yano ki. Au changer boule père. Ok.